soif dans le désert, encore la plainte, encore la peur. Myriam meurt, le deuil s'installe et la fatigue gagne les cœurs. Tu ordonnes de parler au rocher, mais la colère prend le dessus. Le bâton frappe au lieu de la voix et l'eau jaillit quand même inattendue. Tu es fidèle, même quand l'homme tremble. Mais chaque geste a son poids, même quand l'eau jaillit, le cœur peut être blessé. Tu désaltères ton peuple, mais nos choix ont leur vérité. Même quand l'eau jaillit, tu rappelles en silence que ta gloire se révèle dans l'obéissance. Moïse apprend dans la douleur que tout appel marche dans la foi. Édom refuse le passage et la route devient plus étroite là-bas. Aaron s'éteint sur la montagne, un manteau passe, un autre bras. Et la vie continue son cycle sous le regard du Dieu qui voit. Même quand l'eau jaillit, le cœur peut être blessé. Tu désaltères ton peuple, mais nos choix ont leur vérité. Même quand l'eau jaillit, tu rappelles en silence que ta gloire se révèle dans l'obéissance. Même quand l'eau jaillit, tu es le Dieu qui fait couler l'eau. Même quand l'eau jaillit, tu es le Dieu qui fait couler l'eau, même sur nos erreurs.